Il est 21h très précise, voici tout de suite Nicolas pour l'émission Trip in Progress. Galaxy, out of time. Là, sur Galaxy. Nicolas sur Galaxy. Nicolas sur Galaxy. Galaxy. We'll be right back. Nicolas sur Galaxy. Galaxy. Nicolas sur Galaxy. Nicolas sur Galaxy. Merci. Nicolas sur Galaxy. Galaxy.